Et moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Ça n'a aucun sens. Salam alaikum. Misère. D'où ça vient cette merde? Scud, putain, scud, putain, scud, putain, scud, scud, scud, scud, putain. Je commence. Après avoir vu quelques clips de ces deux gamines, ils s'imposaient de régler leur compte à Booba et la balade. Deux complexés losers se prenant pour des ricains qui en chantant les Saint-Jean tel des tas d'immondices putréfiés à la cervelle dégénérée. Des jumeaux à vouloir jouer les mafieux gangsta au langage d'attard. Fille nue, billet vert, whisky et humeur pullule. Dans un monde sain, il serait simplement ridicule. Jouer les gros bras au torse huilé et musclé. Bonjour. Ils ne servent à rien. Pardon. Sauf plaire aux gars du marais. Relaxons sexuelle. Moi, l'islam n'est pas une religion. Je suis fou, moi, je suis fou. J'ai un devoir de conversion à l'égard des musulmans en France. L'enculé. Je l'ai attrapé chez l'enculé. La pété. J'ai entendu faire. C'est les jacques faciales. Moi je suis un goy du nord et d'un côté on se tourne pour les états femmes, vous connaissez, c'est bande d'enculés. Putain, bande d'enculés. C'est de la bande cul de la jette, bonjour, voilà. Et moi je ne fonctionne que comme ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ce numéro 10, épisode numéro 10 de notre émission Démocratie participative. Alors, cette semaine évidemment, le thème principal qui sera abordé dans la deuxième partie, ça sera la polémique qui a pris une ampleur considérable, une ampleur internationale autour du fameux Burkini. On en a déjà parlé, mais on était obligé de revenir sur le sujet. On va y revenir amplement, je pense. Et tout de suite, je vais vous présenter les participants, mais avant cela, je vous invite à nous écrire, si vous le souhaitez, à notre adresse email démocratie participative sans accent sur démocratie. En un seul mot, @mail.ru. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Démocratie Participative. C'est comme ça, à chaque fois qu'une émission est publiée, vous pouvez la voir surgir sur votre page d'accueil et y accéder immédiatement. Et bien évidemment la page Facebook Démocratie Participative également. Vous pouvez nous suivre et nous envoyer aussi des messages privés via cette page. Alors, les participants, cette semaine, un panel sympathique, on a Alexis. Comment vas-tu, Alexis? Bonsoir, ça va très bien, bonsoir à tous. Qui nous revient d'un long voyage en Europe de l'Est, d'ailleurs. Oui, jusqu'en Roumanie, par la Hongrie, par la République tchèque, par la Slovaquie et d'autres pays sympathiques. Ah, c'est bien, c'est bien. Fulbert, de Belgique, comment vas-tu, Fulbert? Ah, Fulbert transpire, mais il va bien, merci. Bonjour à tous. Argyle, fidèle à lui-même, je pense. Toujours, ça va fort, très fort, comme disait Patrick Sabatier à l'époque. Hopman America, comment vas-tu? Eh bien, le Capitaine America va très bien, merci, bonjour à tous. Et Poporovitch, salut Porovitch, comment vas-tu? Shalom alaikum à tout le monde, ça va, égal à moi-même aussi. Fort bien, fort bien, fort bien. Alors, cette semaine, pas mal cette semaine, hein. Il y a quand même un bon torrent d'événements tous aussi rocambolesques les uns que les autres, et je vais commencer tout de suite avec notre rubrique, que vous connaissez maintenant pour ceux qui nous suivent, autisme radical, hein, les expressions les plus surréalistes, hein, de l'autisme de gauche, mais pas seulement, on n'est pas sectaire. Et tout de suite, sans transition, ce premier épisode qui a appelé mon attention, et je vous invite à le commenter avec moi, c'est cette initiative du Secours Populaire d'envoyer 50, alors c'est présenté comme ça dans les médias, 5 000 petits franciliens en vacances à la mer. Alors là, je cite un extrait du journal Le Parisien, comme ça, quand même des bases documentées. Alors là, citation, « Sous un soleil de plomb, des cris d'enfants retentissent au loin, au bord des vagues. » Pas de doute, la joie se lit sur les sourires muets, mais surtout s'entend dans les rires bruyants. Accueillis par un petit festival de tambours, les petits franciliens ont rejoint en rythme, avec ou sans chaussures, le sable chaud de la plage de Cabourg, dans le Calvados. Alors, bon, il faut voir les images, je vais y venir dans un instant. C'était un événement donc organisé par Secours Populaire, en présence de Valérie Trierweiler, hein, l'ancienne maîtresse de François Hollande, qui est aussi une journaliste de France Télévisions. Et je crois que c'est la deuxième année au moins qu'elle le fait. Et elle était présentée en vidéo lors de cet événement, effectivement. Elle a longuement pris la parole en expliquant que c'était un moment très important pour les enfants, etc. Et les enfants en question, comme vous vous en doutez, en réalité, étaient tous de souche africaine. Hein. On se sentait pas du tout dans le Calvados. J'avais pas l'impression de voir des petits Parisiens. C'est pas comme ça que je me les représentais, enfin, du moins jusqu'à encore il y a pas si longtemps. Et là, c'était un vrai choc culturel, un peu pour tout le monde. Est-ce que vous avez vu ce truc-là? Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'a frappé, ça. Ah, c'est un peu tous les ans comme ça, hein. Il y a le Secours Populaire organise ça, il y a différents dispositifs qui, il faut le savoir, sont entièrement payés avec l'argent du contribuable français. Voilà, c'est noyé dans diverses subventions attribuées par diverses collectivités ou des dons où on dit que c'est un financement partiel, mais en fait non, c'est que de l'argent public, c'est que de l'argent qui était quémandé auprès de diverses collectivités locales, de l'État, de divers organismes qui eux-mêmes dépendent, ont un budget qui dépend entièrement de nos impôts. Donc voilà, c'est une opération qui est régulièrement faite, il y en a plusieurs comme ça, où systématiquement on voit donc des gamins qui sont emmenés en vacances. L'idée n'est pas bête, mais c'est les gamins issus de quartiers dits populaires, c'est-à-dire en fait le quartier où le peuple français a fui, et ils ont été remplacés par des afro-maghrébins. Et donc on le trouve à 90-95% près que des afro-maghrébins qui bénéficient de ça. Donc c'est un truc qui existe quand même depuis pas mal d'années. Et je pense que ça doit quand même ulcérer le français, bon, pas complètement converti au cosmopolitisme devant sa télé, parce qu'en général, il y a pas mal de pubs, on regarde le journal télé, hein, je regarde Jean-Pierre Pernaut, tout ça, et on tombe à chaque fois sur des reportages là-dessus, et on voit voilà des petits négrillons aller à la plage, entourés d'éducateurs communistes, du Secours Populaire, qui sont absolument ravis du truc. Donc ça fait partie, en fait, maintenant, d'une sorte de tradition populaire de sortir les Noirs, les petits Noirs et les petits Arabes à la mer tous les ans, plusieurs fois par an. Alors moi, ce que je trouve formidable, c'est que, bien sûr, on ne nous a pas demandé notre avis, hein, vis-à-vis de l'immigration massive, cette immigration de remplacement, et on doit également, en fait, alors non seulement les faire venir, mais en plus, on doit payer pour que ces gens-là puissent partir en vacances. Et c'est vrai que le français moyen, en fait, il doit quand même fulminer, quoi. C'est-à-dire, le mec qui travaille et qui n'est pas forcément super à l'aise financièrement et qui essaie de joindre les deux bouts et qui voit toutes ces personnes fort sympathiques qui suivent l'immigration massive, il doit quand même en avoir gros sur la patate, quoi. Donc ça penche en notre faveur, hein. Mais le Secours Populaire, c'est une organisation qui est communiste à la base, hein. C'est pas neutre politiquement, cette structure. Ah oui, c'est totalement infiltré comme la CGT. Non, mais moi, je crois que c'est une création du Parti communiste, je crois. En tout cas, le logiciel de ces gens-là, c'est que si jamais il y a un échec de l'intégration de ces populations africaines, etc., c'est parce que l'espace urbain n'est pas bien organisé, parce qu'il n'y a pas assez de professeurs devant les classes, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de partir en vacances. Donc voilà, ça fait partie de ces dispositifs. Il faut absolument se saigner des quatre veines pour pouvoir offrir quelques vacances à ces gens-là, sachant que ça ne leur apportera pas grand-chose et que ça n'améliorera pas leurs résultats scolaires ni leur intégration dans notre société. Alors ça, c'est très bien observé ce que tu viens de dire, parce que précisément, comme je l'ai dit, la marraine de cette opération est Valérie Trierweiler, que vous connaissez, et elle a utilisé exactement les arguments que tu viens de démonter. Donc avant même qu'elle ait eu la parole, cette pauvre femme, tu as déjà anéanti sa rhétorique. Elle a dit exactement ça. Elle a dit c'est très important pour ses enfants. Alors il fallait voir, hein, tous ces petits Africains sauter tout autour d'elle. Elle était très très très très heureuse. C'est très important parce que rien que passer une journée à la mer, leurs résultats scolaires vont immédiatement s'améliorer parce que des études ont montré que quand des enfants ont des vacances, etc., quand ils retournent à l'école, blablabla. C'est bien connu d'ailleurs, vos grands-parents, nos grands-parents allaient tous les étés en vacances à la mer, hein, en 1920, en 1930, c'était extrêmement courant, hein, pour les petits filles, pour les petits-enfants de la paysannerie française de l'Auvergne, de la Bourgogne, d'aller tous les étés à la mer pendant un mois et demi, hein, et ça les a empêchés de réussir d'ailleurs. Et encore, voilà, il y aurait ce genre d'opération qui serait menée, et voilà, on récompenserait, tu vois, les gamins issus de quartiers, allez, disons, pauvres, ou des gamins qui ont pas les moyens d'aller en vacances, on les récompenserait sur les résultats scolaires. Voilà, ce serait pas mal. On dirait, tiens, bah, le gamin a bien bossé pendant l'année, il a 13-14 de moyenne, et ben on le récompense avec ça. Mais non, surtout pas, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, tu vois, le gamin qui réussit, en particulier le gamin blanc qui réussit, lui, on va dire, il n'a pas besoin de ça, puisque voilà, il a déjà tous les privilèges du petit français blanc. Donc non, il faut justement payer les vacances aux gamins qui agressent tes gamins blancs. Tu vois, c'est que ceux qui pissent dans ta cage d'escalier, ceux qui trahissent ta voiture, tu vois, c'est ces petits gamins-là, c'est ça qui doit ulcérer d'autant plus le français moyen quand il voit ça, c'est qu'en plus, ces petits gamins-là sont ceux qui font chier les siens, voire qui font chier lui-même, puisque voilà, tu mets une dizaine de petits noirs dans une cage d'escalier, que ce soit un adulte ou pas, ou si c'est un blanc, tout ça, ils vont t'insulter, ils vont te narguer, ils vont te traiter dans leur sorte de sabir de 300 mots de vocabulaire absolument incompréhensible. Voilà, donc c'est vraiment la récompense à l'immigration, invasion, on va dire, en plus agressive, primitive, haineuse et conquérante. Ah, je suis pas du tout d'accord avec toi, Argyle, parce que quand même, on va pas récompenser le talent et l'effort, la réussite, parce que c'est fasciste. Ah bah, excuse-moi, oui, c'est vrai que c'est fasciste. Putain, je suis désolé, ouais, désolé. C'est pire blague. Que fasciste, c'est libéral. Ah, et pire. Mais sinon, en reprenant ce qu'on disait sur l'argumentation de Valérie Trierweiler, qui est d'une naïveté incroyable, c'est que l'implantation souhaitée par les raffarins ou ce genre de salopards, l'implantation partout sur le territoire des migrants, entre guillemets, ça participe de la même logique. C'est-à-dire, vu qu'en fait, c'est le milieu urbain pollué, etc., qui les rend violents, le ghetto qui les rend violents, la prison qui crée le criminel, comme disait André Breton, tous les surréalistes gauchistes, eh bien, du coup, il faut les mettre à la campagne. Si on les met à la campagne pendant l'année et puis à la mer pendant l'été, du coup, ça va en faire de parfaits citoyens qui vont montrer l'exemple à nos chères têtes blondes pour ce qu'il en reste. Oui, elles sont plutôt crépues en l'occurrence là. Par contre, il y a un truc que je voulais relever aussi, c'est que pour les grandes dames de la bonne bourgeoisie socialiste comme Valérie Trierweiler, et puis surtout du personnel médiatique, ce qui est plus institutionnel. Ces genres d'opérations, en fait, où on sort sur l'assistance sociale, comment dirais-je, le misérabilisme pro-migrant ou pro-immigré, c'est d'abord et avant tout des poses, c'est des postures, où on utilise les catégories morales en place, qu'on présume être dominantes et valorisantes, pour soi-même se mettre en situation. Moi, je l'ai vu devant la caméra, honnêtement. Je me demandais si elle était dans une opération, j'allais dire, une opération photo, hein, pour Voici, Elle ou Paris Match, ou si c'était vraiment pour envoyer des gamins, immigrés ou pas, à la mer, quoi. Hein. C'était bon, on était vraiment, la délimitation n'était pas très, très très très claire en tout cas. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet? Oui, juste très rapidement pour l'anecdote. Pendant les vacances là, je suis allé dans un centre aquatique avec mes enfants et je suis tombé sur encore un autre dispositif du même genre. Ça s'appelait Enfance en vacances. Alors, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et donc quand j'ai vu arriver des centres aérés, des hordes, voilà, qui arrivaient, les centres aérés ne venaient pas d'Auvergne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vu arriver ça, j'étais absolument ravi, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est ça, évidemment, ils ont déferlé, on va dire, dans le centre aquatique. Et il y avait une sorte de toboggan qui se terminait par une espèce de cuvette de chiottes géante où, en fait, tu étais propulsé par un toboggan et, en fait, tu tournais dans cette cuvette de chiottes géante. Et, bon, je vous imagine, vu de haut, l'effet que ça pouvait faire quand il y avait des halogènes issus d'Afrique subsaharienne qui allaient dedans. Bon, j'étais un peu tout seul à me marrer, mais voilà, c'était assez amusant, c'est pour l'anecdote. Ça me fait marrer, en tout cas. Ouais, Hopman, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, en fait, je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que cette spoliation, en fait, on peut parler de spoliation, hein, des fonds, de l'argent, hein, du contribuable français, c'est à rapprocher, en fait, du concept de génocide tel que l'a inventé son inventeur, enfin, le concevait son inventeur. Quand il disait, par exemple, qu'en Pologne, l'occupant allemand avait diverti l'énergie de la nation polonaise, en fait, vers des buts futiles, hein, via, par exemple, et cabaret, le jeu et tout ça, mais aussi qu'il y avait une spoliation des biens financiers. Bah là, alors, c'est une question de degré, tu vois, mais on a quand même une immigration massive qu'on n'a pas demandé, et après, c'est à nous de payer la facture, quoi. Donc en gros, on est en train de nous faire payer pour être remplacés par des gens qui, en plus, ne peuvent pas nous saquer pour des raisons historiques, mais aussi qui ne peuvent pas nous saquer à cause de la propagande du système. Donc j'aimerais bien faire comprendre aux auditeurs que tout ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose qu'il va falloir faire rentrer ça dans les têtes, en fait. C'est qu'il va falloir s'y opposer, parce qu'on a le droit de le faire, et que, d'un point de vue, un jour judiciaire, il y aura des conséquences. D'accord, c'est bien noté. Deuxième point de cette rubrique autisme radical, la vague de déséquilibrisme qui frappe, alors là, le monde occidental, hein, là c'est plus du tout limité à la France. J'ai jugé utile d'en parler puisque en quelques jours seulement, hein, trois continents distincts ont été frappés par cette vague de déséquilibrisme. Et vous allez voir où je veux en venir. Alors je vais rappeler brièvement une série d'événements qui vont vous parler, je présume. Tout d'abord aux États-Unis, je cite simplement le titre hein, de l'article de presse qui en parle, ça suffira. Il tente de décapiter un homme et blesse une femme à coups de couteau au cri de Allah Akbar. Hein. Le nom de l'intéressé, c'était Wasil Farouki, un homme de 20 ans. Donc ça, c'était aux États-Unis, et il a prétendu avoir entendu des voix hein, qui l'auraient poussé à l'acte. Donc, il a été classé comme un déséquilibré qui entendait des voix d'Allah hein, avant de poignarder des gens, enfin de les agresser. Ensuite, à Cannes, alors à Cannes, ça c'est en France, c'est en Europe, il crie Allah Akbar, agresse 11 personnes et les jette dans le vieux port. Verdict, encore une fois, un déséquilibré. D'ailleurs, son procès a été renvoyé. Hein, alors donc, il s'en était pris à toute une série de personnes présentes, etc. Et enfin. Et là, moi, j'ai été très surpris de voir... Enfin, surpris, oui et non, le silence médiatique autour de cette affaire. C'est en Australie, un Marseillais, bon, avec tout ce que ça signifie, hein, moi, j'ai vu le blase du gars, c'était pour le moins parlant, il s'appelle Smaïl Ayad, 29 ans, hein, qui poignarde à mort une femme de nationalité britannique, qui elle-même, d'ailleurs, était une métisse, je crois, d'anglaise et d'asiatique, d'asiatique, vraiment asiatique, quoi, hein. Donc il l'a assassiné parce que c'était sa petite amie, et pareil, la même chose hein, au cri de Allah Akbar. Alors là encore une fois classé déséquilibré. Alors qu'est-ce que ça vous dit, parce que ça revient tout le temps hein. Ça revient systématiquement. Donc trois continents dans la même semaine, des musulmans tuent des gens à coups de couteau en criant Allah Akbar. Ils disent tantôt avoir entendu des voix, tantôt pris d'un coup de folie, peu importe, les autorités s'empressent d'hurler au problème mental, au déséquilibre mental, et on enterre l'affaire quand on en parle d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit dans l'affaire australienne, qui moi m'a particulièrement choqué, il n'y a eu aucune retombée. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Bah, il s'agit de mystification de la part des médias, enfin, c'est une précaution de langage, pour essayer de cacher qu'en fait on a un problème avec ces populations qui sont un petit peu ouais, déséquilibrées, ouais, sont des tarés, ouais. Mais bon, ils crient tous à la Akbar, il faudrait se poser des questions. Sachant que c'est pas nouveau, hein. Quand est-ce que c'était ça? En décembre 2014, un type qui a foncé en voiture dans un marché de Noël. Alors à l'époque, la procureure nous disait, le procureur aux cheveux rouges vifs nous disait. Ouais, il a crié à l'Akbar pour se donner du courage. Alors, on parlait, c'était le début, ça, de la vague de déséquilibré. Enfin, moi, c'est la première fois que j'en entendais parler. Bon, on se fout de notre gueule, quoi. Voilà. Alors, en fait, plus que. Analyse d'un point de vue technique de ce qu'ils font, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais du gaslighting. En fait, ça vient du nom d'une pièce de théâtre de 1938 qui s'appelait Gaslight, dans lequel il y a une femme qui est victime d'une manipulation mentale en fait par son mari. Et cette technique de gaslighting, en fait, c'est tout simplement la manipulation psychologique en fait d'une victime, donc que ce soit sur sa mémoire, sa perception du monde, lui faire croire qu'elle n'est pas saine d'esprit, et afin d'en tirer parti en fait. Et c'est exactement ce qui se passe hein, dans nos pays, c'est-à-dire que les gens qui sont pas cons arrivent quand même, et c'est pas une question d'instruction, arrivent quand même à se dire bon, il y a quand même des problèmes, et on va nous faire croire par tous les moyens possibles et imaginables que non, il n'y en a pas. C'est-à-dire, on voit des petits noirs partout à la plage avec, des, par exemple, le secours populaire. On sait qu'il y a 70% de naissances africaines en Seine-Saint-Denis, qu'à Béziers, il y a 69,3% de musulmans selon Robert Ménard. C'est un peu partout pareil en France et en Europe, mais il n'y a rien. Voilà, c'est-à-dire, non, il n'y a rien. Voilà, c'est... Bref. Oui, alors moi, je ne vais pas avoir tout à fait la même analyse. Parce que je pense qu'effectivement, là, les cas qui ont été cités par Gandalf concernent effectivement des tarés, des vrais débiles, des déséquilibrés. Effectivement, l'analyse première, on va dire, est bonne. Alors évidemment, la presse s'empresse de dire, la presse généraliste, de dire qu'il s'agit de déséquilibrés, mais au fond, ils n'ont pas tort. Ce sont des tarés. Mais ce sont des tarés qui, en fait, ont réagi de la même façon, mais dans un caractère de droit commun, et ce serait resté très anonyme. Et maintenant, grâce à l'État islamique et au terrorisme pour tous, grâce à l'ubérisation du terrorisme, c'est-à-dire que tout le monde peut être un terroriste du jour au lendemain, ça permet, en fait, d'encadrer leur folie passagère ou permanente, leur acte de taré, comme l'autre qui égorge ou qui décapite en Australie sa petite amie, bon, voilà. Je veux dire, il l'aurait fait sans hurler à la Wakbar, ce serait resté voilà, un fait divers, ça aurait pas été... Tandis que là, ils ont la capacité désormais de transcender leur acte au nom d'Allah. Leur acte, je veux dire, qui n'avait strictement rien à voir. Donc du coup, les types se donnent une sorte de... on va dire de virginité dans l'acte ou dans leurs actions, dans leurs méfaits, grâce à une vision, on va dire, approximative mais suffisante du Coran, de l'appel au djihad. Et donc, du coup, ça fait de plus en plus... En fait, c'est l'immigration de tous les jours, c'est la délinquance et la criminalité de tous les jours, transformée, on va dire, halalisée, on va dire islamisée. Et c'est vrai que, du coup, ça emmerde... les médias, puisque avant ce serait passé de manière complètement inaperçue au milieu des centaines de faits divers et des milliers de faits divers issus liés à l'immigration qui y a partout dans le monde. Mais là, évidemment, dans un contexte de terrorisme, c'est sûr que c'est plus délicat. Donc évidemment, on met en avant le fait qu'ils sont des déséquilibrés, mais effectivement, ce sont les éléments les plus tarés de l'immigration qui transforment leur geste de cingler, de s'en prendre au premier venu par haine pure ou par folie furieuse en l'enrobant d'islam conquérant et djihadiste. D'ailleurs, on pourrait peut-être même pousser la logique de l'autorité qui affirme que ces déséquilibrés qui se réclament d'Allah sont des cinglés, effectivement, intégraux, et on pourrait aller encore un peu plus loin si ceux-ci sont des cinglés. Il est possible que les autres tenants d'Allah qui n'agressent pas les gens dans la rue ne sont que des cinglés modérés. Mais c'est ça. Mais quand on dit déséquilibré, moi jusque-là, quand j'entendais ce genre de choses, c'était par exemple un homme qui avait eu des... Sa femme l'avait trompé, sa femme l'avait quitté. Il pète un câble, il prend un fusil et puis boum boum. Bon, voilà. Ça, pour moi, c'était un déséquilibré. Maintenant, ce qu'on a, c'est pas du tout la même chose. On a toute cette masse moyenne-orientale africaine qui sont de toute façon des tarés à la base. Je veux dire, mais faut les regarder. Et ces mecs-là, on essaye de faire passer ça pour des accidents. Mais c'est pas des accidents isolés. C'est tout le peuple qui sont des cinglés. Je veux dire, faut les voir. Pour accoucher d'État islamique, faut être un peu taré quand même. Mais c'est tout le peuple. En tout cas, le fait qu'ils soient déséquilibrés n'exclut pas, à mon avis, qu'on leur attribue une responsabilité. C'est comme, tu parlais tout à l'heure d'un gars qui tape sur sa femme parce qu'il pète un câble. C'est-à-dire quelqu'un qui picole 3 litres de whisky par jour, il est évidemment, il y a un souci, donc il est déséquilibré quelque part, qu'il soit violent ou pas, mais quelque part, il est aussi en partie responsable de son malheur. Si le jour où il commence à picoler, il sait qu'il peut s'arrêter, mais il choisit de continuer, de même quelqu'un qui prend des drogues, etc. Donc c'est vrai que ce sont des gens, des cinglés, je suis d'accord, mais c'est des gens qui ont une vie de merde, en général. Ça, c'est pas pour les excuser, mais c'est vrai que quand on regarde le profil des gars, c'était pas Byzance, hein, c'était pas terrible. Et en fait, ils croient donner un sens à leur vie de merde par un acte violent au nom de quelque chose, voilà, d'une transcendance. Bref. Non, mais c'est juste les éléments un peu plus excités de peuples qui sont quand même extrêmement violents et arriérés. Je veux dire, c'est des peuples qui enculent des chèvres, des peuples qui voilent leurs femmes de la tête aux pieds, des peuples qui se tapent des petits garçons qu'ils ont grimés en femmes. Je veux dire, faut regarder le pédigré un peu du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Afrique noire. Bon. Ouais, c'est, alors moi, justement, c'est mon point de vue là-dessus, c'est que l'islam, en gros, je ne tiens pas du tout l'islam pour être une religion. Pour moi, l'islam n'est qu'une culture. C'est-à-dire que c'est une production purement humaine. C'est une synthèse, en fait, de la culture bédouine, mais étendue ensuite plus largement à d'autres zones conquises, quoi. Et en fait, l'islam réel, c'est-à-dire pas l'islam, j'allais dire, des juristes, pas l'islam, des poètes, là, ça, parce qu'évidemment, ça arrive, vous avez des gens qui, mais l'islam réel, l'islam quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la sublimation de la rapine, de la razzia, du viol, qu'on prétend être un acte religieux de vengeance, de que sais-je, quoi. Et en fait, je crois que ça, c'est le vrai islam. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de très élaboré, de très raffiné, avec des plans machiavéliques. Ça peut exister dans certaines organisations, on aura l'occasion d'en parler, mais très concrètement, c'est l'islam réel, c'est ça. C'est la criminalité algérienne qu'on a connue en France depuis une quarantaine d'années maintenant. On n'a qu'à aller sur les sites de la police nationale, voir les personnes les plus recherchées d'Hexagone, que ce soit pour des braquages et autres. Ce sont tous des Algériens, toujours des Nord-Africains pour l'essentiel. Il y a aussi un peu d'Afrique noire. Et on se rend compte, en fait, que ces gens-là font ça depuis tout le temps. Donc je suis d'accord avec ce que dit Argal. Donc le problème sous-jacent est racial. Il est racial. Et l'islam est la production d'un milieu culturel, d'un milieu ethnique. Alors évidemment très étendu, mais j'ai l'impression que c'est ça surtout. Et donc on ne sait pas bien de l'islam ou de la race lequel est l'œuf, lequel est la poule, en quelque sorte. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet-là. Ouais, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser au concept de Hagar. En fait, en arabe, c'est la déprédation permanente, en fait, qui prend racine justement dans le fait que le musulman est, d'un point de vue théologique et même d'un point de vue moral, normalement supérieur aux gens, aux autres gens du livre, et qu'en gros, ils peuvent les traiter comme des citoyens de seconde zone, comme ils peuvent les traiter comme des chiens, en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez eux, et c'est, pour moi, c'est notamment dû, enfin, je pense que c'est dû au fait que ces populations arabes, qui à un moment ont été des tribus commerçantes, puisque la Mecque, alors, lorsqu'elle a été dirigée par les polythéistes, était un grand centre de commerce à travers toute la péninsule arabique, a finalement été subjuguée par le prophète de l'islam et ses guerriers qui se comportaient comme ça, quoi. Donc c'était attaque, déprédation, meurtre, justification et compagnie, quoi. Ouais, ça me paraît probant. Bon, troisième point de notre rubrique autisme radical. Alors là, il y a de quoi dire, hein. C'est le camp d'été décolonial interdit aux blancs, hein. Alors vous allez pouvoir apporter des précisions sur ce sujet-là. Je vais résumer quand même. Pour ceux qui nous écoutent, sur la base toujours d'articles de presse, de quoi il retourne. Alors, un séminaire de formation à l'antiracisme, réservé uniquement aux victimes du racisme d'État, s'est ouvert jeudi 25 août et se tient jusqu'au dimanche 28 au Centre international de séjour de Reims. Malgré les critiques, ce camp d'été décolonial qui exclut de facto les personnes blanches ne sera pas interdit. C'est du moins ce qu'a annoncé ce vendredi 26 août le préfet de la Marne, Denis Connu. Je cite le préfet, « En l'état actuel, le juge me dirait « Monsieur le préfet, vous avez commis un acte illégal, vous avez violé une liberté publique », a expliqué Denis Connu à France Bleu Champagne-Ardenne pour justifier sa décision. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un séminaire organisé par une association privée dans un lieu privé. Par ailleurs, le préfet a estimé qu'il n'y avait eu ni expression publique de racisme ou d'exclusion, ni de troubles à l'ordre public pouvant justifier l'interdiction de l'événement, alors que SES Racisme, bon, rendons à César ce qui est à César, on le cite, hein, pointe du doigt un rassemblement ouvertement raciste organisé par des individus qui ont choisi de transformer leur névrose identitaire en haine politique. J'aurais jamais cru être d'accord pour une fois avec SES Racisme, tout arrive. Je continue et je finirai là-dessus. Certes, Siam Asbag et Fania Noël, ces organisatrices, n'indiquent nulle part que le camp d'été est interdit aux blancs, mais elles en assument et en défendent la non-mixité, entre guillemets, qu'elles qualifient de nécessité politique, car, je cite toujours, les paroles blanches sont survalorisées, surinterprétées, surlégitimées comparées aux paroles et pensées non blanches. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cet événement qui est tenu, donc, comme vous l'avez vu, par des militantes qui évoluent, je crois, dans la mouvance de Ouria Boutedja, entre autres, hein. Oui, alors évidemment, qui n'a pas entendu parler de ça, de ce camp décolonial, hein, c'est bien ça, un camp décolonial. Décolonial, oui. Alors, moi, j'ai deux remarques. La première, concernant ces gens-là qui se sentent opprimés, oppressés, écrasés par voilà, les racistes blancs en France, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne quittent pas cet enfer et qu'ils ne retournent pas sur leur terre ancestrale, où là, le blanc n'est plus, puisque les colonisateurs ne sont plus là, malgré les dégâts abominables qu'ils ont pu faire, et voilà, la destruction des glorieuses civilisations, diverses civilisations africaines et nord-africaines, hein, bien sûr, puisque c'est eux qui ont tout créé à la base, on est bien d'accord là-dessus, je ne comprends pas pour comment ces gens, ou alors c'est vraiment une sorte de... voilà, ce sont des missionnaires, des évangélistes à l'envers, c'est-à-dire qui résistent à cette abominable oppression qu'ils doivent subir en France, que c'est vrai que, voilà, en France, les Noirs et les Arabes sont systématiquement brimés, que ce soit par les médias, par les télévisions, par le pouvoir en place, au sein de l'éducation nationale, voilà, c'est un racisme permanent, latent, systématiquement des Noirs et des Arabes quasiment tous les jours sont lynchés, pendus à des arbres, comme au pire temps du Ku Klux Klan. Donc voilà, je comprends pas comment ces gens-là sont tellement courageux qu'ils choisissent tout de même de rester en France et de résister. Et deuxième remarque concernant le préfet, j'essaye d'imaginer un camp était organisé par des blancs, des nationalistes blancs, un camp privé, hein, bien sûr, qui allait dénoncer la haine afro-maghrébine à l'égard des blancs, et qui excluait bien sûr de facto afro-maghrébins de ce camp, en le déclarant et en l'assumant publiquement. Voilà. Donc je pense que le préfet n'aurait pas été aussi aussi procédurier en disant oui, mais je vais me faire retoquer par le juge, oh, mais je ne pense pas, vous comprenez, là, il y a juridiquement, non, ça aurait été interdit purement et simplement, comme ils le font à chaque fois pour des choses qui sont bien moins explicites que cela. Donc voilà, là, on a affaire véritablement encore à une reculade lamentable d'un État qui n'en est plus un. Je veux rappeler, tu fais bien de le pointer du doigt, que, me semble-t-il, le camp d'été de l'œuvre française, une jeune nation qui a pris le relais, a été interdit par les autorités préfectorales du département où ça devait se passer. Hein. Alors, ils l'ont fait quand même, mais me semble-t-il que ça avait été interdit. Oui, alors oui, ça avait été interdit, ça devait se dérouler dans les Alpes de Haute-Provence, et ça a été interdit, voilà, pour sûrement un risque de trouble à l'ordre public, alors que ce camp était privé et ne revendiquait de manière voilà officielle, pas comme le camp décolonial, à aucun moment qu'un tel en était exclu, c'était quelque chose de beaucoup plus privé, même on va dire, que le camp décolonial. Alors, quelqu'un d'autre veut réagir sur le camp d'été décolonial? Ouais, je suis tombé sur le programme de ces gens-là, et je trouve ça assez formidable. Je voudrais vous en lire un petit peu, deux, trois points. Je t'en prie, vas-y. Alors, par exemple, combattre le racisme médical. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est. Féminisme décolonial, une arme contre le fémo-nationalisme. Alors, il faut savoir que ces gens-là adorent les néologismes. Alors, vous étonnez pas si vous savez pas ce que c'est que le fémo-nationalisme. Ouais, c'est un peu comme les Lego. Tu peux emboîter les mots. Tu peux prendre de... Ouais, c'est... Ils sont très créatifs. Hein. T'inventes des concepts, tu les sors de ton cul. Militer pour l'abolition de la prison. Ah, effectivement, eux aussi, ils ont remarqué que 80% des halogènes logés en prison étaient les... qu'il y avait 80% d'halogènes en prison. Donc, ils veulent interdire les prisons. Ah. Mais pour les blancs, parce que sinon, enfin, comme ils sont dans le principe de non-mixité, je pense que pour les blancs, ça s'appliquerait pas, en toute logique. Ah bah oui, parce qu'ils sont racistes. Enfin, on appellera plus à prison, mais peut-être des camps de déracisation, peut-être, hein, pour les blancs. Ah oui, mais justement, ils ont un concept qui est carrément délirant. Alors, eux, ils parlent de race sociale créée par le pouvoir colonial blanc. Alors, les races sociales, alors ça, c'est fabuleux. Je trouve ça mirobolant comme... Attends, je vais continuer, parce que vous allez voir où je vais en venir. Lutter contre l'islamophobie des racisés. Alors, les racisés, c'est eux, non musulmans. lutter contre la négrophobie des racisés, donc toujours les non-blancs, non-noirs. Moi, ce que je vois là-dedans, quand je lis ça, je me dis que ça, c'est un programme communautariste anti-blanc, c'est-à-dire qui vise à défendre les intérêts des non-blancs en France. Et ça n'a rien à voir avec l'antiracisme, ça n'a rien à voir avec la colonisation, c'est simplement du lobbying communautaire contre les blancs. Alors, c'est la haine à l'état pur, c'est la haine déclarée. De toute façon, Ria Boutelja, c'est ça, elle n'arrive pas à se retenir, même quand elle est... Bon, elle n'est plus trop invitée maintenant dans les émissions mainstream, mais voilà, elle n'arrive pas à s'empêcher, c'est la haine incarnée, l'arabe haineuse qui vomit le blanc, quoi, qui est vraiment là pour nous exterminer. C'est clair, ces gens-là veulent nous soumettre, veulent nous exterminer, sont là en conquérant. C'est d'ailleurs magnifique quand elle nous dit qu'il faut rééduquer les Français, tu vois. Les sous-chiens. Ah, les sous-chiens, excuse-moi. Oui. Les Français de souche, donc les sous-chiens. Et d'ailleurs, elle s'était fait reprendre par Thomas Guénolé, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, après, c'était le concours de celui qui était le plus moralement irréprochable. Donc, c'était un peu ridicule. Oui, Guénolé, oui. C'était pitoyable. Mais en fait, ce genre d'aventure, en fait, moi, ça me fait vraiment plaisir de le voir parce qu'en fait, ils nous crachent ouvertement à la gueule leurs intentions. C'est-à-dire qu'on voit bien avec ça que le programme, ce n'est pas d'arriver à créer une société utopique dans laquelle tout le monde pourrait s'entendre, quelle que soit la religion, la race et compagnie. Non. Leur but, c'est de prendre le pouvoir dans nos pays. Ça ne va pas plus loin. Il y a un an, il y avait une marche comme ça d'Africains à Paris contre la négrophobie, le racisme et compagnie. Et il y avait une femme en boubou de 25-30 ans qui disait ouvertement... que si les Blancs demandaient à ce que les Noirs en Europe, donc ces Africains en Europe, s'assimilent culturellement, s'habillent comme les Occidentaux, se conduisent comme les Occidentaux, eh bien c'était du colonialisme. Parce qu'eux ne sont pas les Occidentaux, et donc ils devaient s'habiller comme ils l'entendaient, et toujours avoir leur culture. Et je trouve ça formidable parce que, donc, quand les Blancs sont allés en Afrique pour... améliorer le sort des Africains, parce que quelque part c'était ça, hein, c'est ce qu'a dit Jules Ferry, si j'ai pas de bêtises. Hein. Et donc ils ont géré à l'européenne et qu'ils ont amélioré les conditions de vie là-bas, qu'ils ont construit des dispensaires, des hôpitaux et compagnie. Alors là c'était du colonialisme et là c'était mal. Mais quand les Blancs sont soumis contre leur volonté à une immigration massive d'extra-européens et que ces gens-là veulent conserver leur culture, leur façon d'être, leurs vêtements et compagnie, là c'est, ah ben, c'est rien, c'est normal. Voilà. Et si on est quelque chose, ah bah c'est nous les colons. Oui, et les races créées par la colonisation, les races sociales dont parlait Poporo, c'est quand même très drôle, ça me fait penser à ce que dit Lugan des marxistes africanistes, et qui pensent qu'effectivement le problème ethnique en Afrique, la question ethnique a été créée de toutes pièces par le colon, tout simplement. Et Lugan de dire que c'est aussi absurde que de dire que la question bretonne a été créée par l'occupation national-socialiste allemande en 40. Voilà. Oui, alors bon, ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément familiers de cette mouvance qui se définit comme antiraciste. Mais qu'en fait qui est une mouvance racialiste et raciste, suprémaciste aussi, est en fait un lieu de convergence. En fait, il faut bien comprendre, c'est pas un parti, ce n'est pas homogène, c'est volontairement un lieu où convergent différentes tendances, différents groupes, différentes personnalités. On va retrouver là-dedans des musulmans, on va retrouver là-dedans des noirs, on va retrouver, il y a d'ailleurs des personnages assez originaux, hein. On va retrouver des Antillais un peu farfelus qui ont pour unique obsession vers l'esclavage, hein. ça va être un leitmotiv. Bon, vous avez des Algériens comme Boutelja, comme j'ai dit, etc. Et mais alors tous ces gens-là, avec toutes leurs origines distinctes, etc., qui pour certains n'ont même rien à se dire, partagent deux choses. Ils partagent la haine profonde, évidemment, pour l'homme blanc. La haine de l'Occident, bon, jusque là moi ça me dérange pas, on peut vivre en Algérie, détester l'Europe, ça me va très bien, mais ils sont en Europe, et de se prétendre décolonialiste, c'est-à-dire anticolonialiste, de vouloir libérer entre guillemets les populations halogènes en Europe du monde blanc, c'est se foutre de la gueule des gens, parce que ces gens-là sont des colons, c'est-à-dire que c'est nous les autochtones, Ces gens-là, ce sont des colons. Ils viennent, ils s'installent chez nous, on n'a pas demandé notre avis, ils arrivent, ils posent leurs valises, ils prétendent imposer la loi, et en réalité, tout le baratin moralisant qui vise à se positionner encore une nouvelle fois, moralement parlant, du bon côté du manche, n'est qu'une excuse, en fait, pour commettre des déprédations. Ce qui rejoint ce qu'on disait précédemment sur les sujets abordés. Ce sont des gens, en fait, qui veulent trouver des excuses vite fait pour pouvoir essayer de nous exploiter, de nous faire les poches, etc., de justifier leur violence. Donc ça, je voulais vraiment y insister. Alors, c'est toute une nébuleuse avec des influences marxisantes. On va trouver des trotskistes, on va trouver des Mao qui sont pas loin d'eux. Les trotskistes du NPA, notamment, sont proches de cette tendance-là. Ils prennent tout ce qui bouge, hein, tout ce qui peut sembler semer le désordre, ils sautent dessus. Alors, je vous parle pas sur la lutte pro-palestinienne aussi qui joue un rôle très important dans leur rhétorique, en tout cas verbalement. Hein. Y a beaucoup de choses de cet ordre, hein. Mais vraiment le ciment, c'est une puissante volonté de revanche, un profond sentiment d'infériorité qui est compensé justement par une rhétorique très agressive et la volonté de détruire l'homme blanc et sa civilisation sur son propre sol. Hein. Alors donc je trouve ça effectivement fabuleux de voir un tel événement se tenir, alors que bon, comme je l'ai dit, hein, c'est ouvertement raciste, tout se déroule très bien. Essayer de faire la même chose, alors je sais pas que j'ai encouragé les gens, mais essayer de voir une organisation blanche tenir le même genre de discours, d'ailleurs qui serait peut-être plutôt un discours de résistance pour le coup, hein, qui serait assimilable au discours de résistance des Indiens d'Amérique, je ne sais pas, écoutez, ça serait réglé en 2-3 coups de cuillère à peau, quoi. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un truc, c'est que on n'a pas encore entendu beaucoup parler de, pour l'instant chez nous, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre du poids aux États-Unis. C'est le racisme dans le choix des relations sexuelles. C'est-à-dire que là, de plus en plus, les gens sont en train de dire, oui, mais si tu sors pas avec des noirs, des arabes, ou si t'essayes même pas de t'intéresser à eux, c'est parce que t'es raciste. Et donc, il va y avoir de plus en plus un chantage à la culotte, quoi, chantage à la braguette, quoi. Et ça rejoint ce que tu disais, dans le sens où ils vont utiliser absolument tous les moyens pour nous détruire, notamment le chantage affectif et notamment, mais bien sûr, la sexualité, quoi. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, je vous prierai de faire en sorte que vos enfants soient bien formés, bien encadrés, et qu'ils ne cèdent pas à ce genre de... ce qu'on appelle aux États-Unis le white guilt, donc la culpabilité blanche, en fait. Voilà. Que vos enfants et vous-même ne soyez pas des pigeons prêts à se faire plumer pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Par contre, dans l'organisation dont on parle, hein, enfin, les organisations qui se rassemblent lors de cet événement, ils sont dans une approche beaucoup plus agressive et beaucoup plus nette, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que eux, ils revendiquent la non-mixité. Moi, j'en suis le plus ardent partisan. Ils disent, on ne veut surtout pas se mélanger aux blancs. Et à ce titre-là, vous voyez, justement, ils dénoncent. Ça, je trouve ça très intéressant, c'est très très très très parlant. Ils dénoncent l'idéologie du métissage, parce que pour eux, en fait, c'est la tentative, et c'est vrai, de la gauche européenne ou la gauche occidentale, par réflexe, je les cite, colonial, entre guillemets, de forcer une assimilation contre la volonté des populations non blanches, et donc ils récusent absolument l'idéologie du métissage, etc., parce que pour eux, c'est simplement une forme dévoyée d'assimilation biologique, en quelque sorte. Donc, eux, ils sont pas sur la ligne « je te fais du chantage parce que tu couches pas avec des noirs », quoi, hein. C'est vraiment « on veut pas de vous, on vous hait ». C'est clair, quoi. Pas d'ambiguïté. Oui, ça dépend des groupes auxquels on est confronté, mais c'est aussi une question de nombre, je pense, parce que quand ils sont pas nombreux, ils s'accommodent un petit peu de tout ça, mais de plus en plus, enfin, plus ils prendront de place dans nos pays, plus ils voudront bien sûr se préserver en tant que groupe constitué. Ouais, ça pourrait faire l'objet d'une discussion intéressante, d'ailleurs, je pense, sur les affinités sexuelles, ethniques, etc. Il y a des études là-dessus très intéressantes. Ouais. Bon, à l'occasion de venir. Bon, maintenant, on va faire une pause musicale, et on se retrouve pour notre deuxième partie d'émission consacrée à la fameuse affaire, devenue internationale maintenant, du Burkini. À tout de suite. Tous les matins, il s'agenouillait par terre pour prier Allah, la la la la. Pendant des heures, il écoutait prêcher les ayatollahs, la la la la. musulman, pieux et fidèle, oui vraiment, croyant modèle. Faut dire que la France était vraiment très accueillante pour la foi du croissant. Et il priait tout angélique sur la place publique, comme en Afghanistan. Brillant non-stop un peu partout, un beau jour sur lui tomba, ya ya ya ya. Une belle fille aux cheveux roux, un peu gauche, un peu baba, ya ya ya ya. ONPA, belle et rebelle, très sympa, très consensuelle. Fonçant un jour sur ses patins à roulette, elle chuta par malheur sur le serviteur du prophète, qui la trouvant parfaite, la maria sur l'heure. Chez lui c'était toujours la fête, la caverne d'Ali Baba, ya ya ya ya. Elle n'avait pas froid à la tête, bien au chaud sous sa burqa, ya ya ya ya. Tout en noir, qu'elle était belle, fallait voir son sac poubelle. Et de leur union sont nés des tas de petits mioches, barbus comme leur papa. Le Coran mis dans la caboche, à grands coups de taloche, pour la plus grande gloire d'Allah. Tout en noir, elle était belle, fallait voir son sac poubelle. Et en récompense pour être si parfaite, son mari là-bas peut bientôt sur toute la planète, les petites minettes seront soumises à Dieu. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Et nous revoici donc dans cette deuxième partie d'émission de démocratie participative, épisode numéro 10. Et le thème de la semaine, l'actualité nous y oblige, c'est ce fameux burkini, hein, cette tenue de bain présumée conforme aux obligations islamiques de pudeur. Je pense qu'on va pouvoir en parler aussi. Deuxième partie que j'ai trouvé pertinente d'appeler l'islamo-gauchisme décomplexé. Alors, on avait déjà parlé dans une émission précédente de ce problème du burkini suite à l'affaire des Pen Mirabeau autour de Marseille. Et puis, l'affaire a gonflé et a pris une telle ampleur qu'elle est maintenant devenue une polémique internationale. Alors, rappelons les faits. Donc, il y a eu une série d'arrêtés municipaux consécutivement donc à cette volonté d'une association de femmes musulmanes de Marseille de réserver un parc aquatique pendant une journée pour leur seul usage afin de pouvoir porter à leur convenance une tenue musulmane de bain qu'on appelle le burkini trivialement, ce qui avait déclenché une polémique. Et suite à cette polémique, le maire de cette commune avait interdit le rassemblement, enfin disons la location, pour troubles possibles à l'ordre public. Dans la foulée, il y a eu une série d'arrêtés municipaux du même ordre qui s'en est suivi. Et puis une commune en particulier a attiré en fait les foudres du Conseil d'État. Alors cette commune, c'est la commune de Villeneuve-Loubet, je crois, qui est la commune du maire, du député maire Lucas, hein, les Républicains, hein, je crois. Et dans l'intervalle, il y a aussi eu les émeutes interethniques en Corse de Cisco. Donc c'est-à-dire que entre Nice et Cisco en Corse, on a eu cette affaire de Burkini qui s'est ensuite étendue et qui a trouvé sa conclusion judiciaire dans les Alpes-Maritimes, puisque la commune de Villeneuve-Loubet se situe dans les Alpes-Maritimes. Et si je suis pas trop mauvais en géographie, peut-être que si, c'est le même département de Griffes, hein. Bon, en tout cas, toujours est-il que, comment dirais-je, ces arrêtés, cette conclusion par le Conseil d'État a mis un point final, peut-être temporaire, à cette polémique. Alors, sur ces faits, sur cette série de faits, qu'est-ce que vous avez à dire ? Bah, déjà, qu'on détourne le débat, parce qu'on fait une polémique sur la Burkini, alors qu'on ferait mieux de débattre de la légitimité de la présence des halogènes en France. Ça serait plus simple. Oui, c'est alors, sur l'ampleur de la polémique sur le Burkini, je pense que tu voudras qu'on revienne après peut-être sur le jugement du Conseil d'État, enfin l'arrêt du Conseil d'État. En revanche, moi, ce que je voudrais dire sur pourquoi c'est étonnant aussi qu'on en parle autant, c'est parce qu'en fait, tout ce qui est, même Manuel Valls a soutenu les arrêtés anti-Burkini. Il y a quand même une partie, de l'intelligentsia qui s'est dit le Burkini, on peut y aller. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut créer, même si c'est une polémique quand même relativement artificielle, comme le disait Pokoro, le problème c'est l'immigration-invasion, c'est la colonisation migratoire, et le Burkini est juste une conséquence qui s'ajoute à je ne sais quelle conséquence collatérale de l'immigration-invasion. On est bien d'accord. Mais là-dessus, il y en a qui se sont dit, tu vois, des maires UMP, enfin des maires républicains, même des socialistes, qui se sont dit, là, on va défendre les valeurs de la République, pour un truc totalement dérisoire. Mais donc, il y a eu polémique. Et on s'aperçoit que même ça, il n'y a même pas consensus, parce qu'il y a, il y a quand même, bon, évidemment, je ne parle pas des afro-musulmans, mais je parle au niveau politique, c'est-à-dire que même là, il y a encore débat, dans le sens où... même sur un truc aussi dérisoire, on arrive à débattre, à en parler. Il y a les pour, il y a les contre, c'est une agression d'une partie des Français, une stigmatisation. Donc c'est même le moindre petit truc, tu vois, déjà. Et ils veulent bien nous faire comprendre. Le Conseil d'État a voulu nous faire comprendre que l'invasion, on ne peut pas s'y opposer. Nous ne nous y opposerons pas. Et là, la moindre petite opposition, même qu'elle vienne du système, est invalidée par les gnomes du Conseil d'État. Et ce qui est amusant par rapport à la décision du Conseil d'État, enfin amusant, ou plutôt effrayant, c'est qu'il y a 9 ans, le Conseil d'État interdisait les soupes aux cochons qui étaient distribuées par des militants identitaires, donc des soupes avec du cochon, qui étaient distribuées à des SDF. Donc il y a 9 ans, elles étaient interdites en raison du trouble à l'ordre public qu'elle représentait. Et aujourd'hui, le Conseil d'État autorise la burqa de plage au même titre qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors, si le Conseil d'État a pris cette décision, il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, car à part quelques Corses sanguins qui ont l'habitude, en fait, de défier la République sans jamais avoir de répression, hein, parce que bon, faut savoir que les Corses sont surprotégés tout de même depuis des décennies, hein, ça c'est certain qu'on ne peut pas se permettre les mêmes réactions qu'eux peuvent avoir vis-à-vis de l'État français. Et les juges du Conseil d'État ont acté le fait que les Français ne se révolteront pas, ne créeront pas de troubles à l'ordre public quand il y aura une Fatma qui viendra se baigner avec sa burkini sur la plage. Ils tablent là-dessus. Donc après, je dirais aux Français aussi de créer ce trouble à l'ordre public. Et quand ils voient ces espèces de grosses truies prosélytes arriver avec leur sac dégueulasse sur elles, aller tremper leur sueur et leur graisse huileuse dans l'eau, avec dans des conditions d'hygiène dégueulasses, quand en général c'est pas bien propre là-dessous. Donc voilà, à aux Français de ne pas accepter ça. Là, on a bien vu, c'est arrivé je crois aujourd'hui ou hier, qu'une bande d'Arabes en Bretagne a molesté, empêché une femme de se baigner seins nus. Bon ben voilà, aux Français aussi d'empêcher, même si c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette, mais c'est aussi aux Français de créer le trouble à l'ordre public. Alors ça c'était en Charente-Maritime exactement l'incident dont tu parles. Donc point de vue intéressant. C'est vrai que donc on a eu, comme je l'ai dit, une série d'interdictions d'arrêtés municipaux pris par des maires. Tu as raison de souligner que visiblement un certain nombre d'édiles se sont sentis en territoire assez sûr. Ils se sont dit bon, je vais dans la foulée de comment dire de ce qui s'est passé à l'Épène Mirabeau avec cette privatisation d'un parc aquatique par des islamistes, puis les émeutes raciales, ethniques de Cisco. Ils se sont dit bon allez, je vais me faire un petit coup de com' tranquille, je vais poser mon petit arrêté anti-burkini, et puis je vais comme ça avoir un petit peu de constance médiatique, et ça va me donner le change, surtout que bon, les législatives, notamment pour certains députés maires, se profile en 2017. Et puis là, paf, il s'avère que en face, les types sont pas restés l'arme au pied, les islamistes sont pas restés l'arme au pied, et l'extrême gauche n'est pas restée non plus l'arme au pied. Et là, ça m'amène à parler maintenant des acteurs qui ont déclenché en fait, qui ont amplifié cette polémique. Parce qu'en fait, au départ, quand on s'intéresse à l'affaire en elle-même, on peut se poser la question de la manipulation, très honnêtement, puisque on a une femme voilée. Enfin, en burkini, comme on dit, qui est présente sur une plage, donc dans la commune, comme je l'ai dit, hein, de Villeneuve-Loubet, qui s'installe, et curieusement, qui est photographiée de très loin, très curieux quand même, puisque le photographe va prendre toute la séquence en image, la police qui intervient pour lui demander de quitter les lieux, etc. Alors, on aura le droit à des très grosses larmes orientales, hein, j'ai été humilié. Alors, ça, faut savoir que dans le monde musulman, et surtout chez les orientaux, le thème de l'humiliation revient constamment, parce que ce sont des gens en fait qui ne tolèrent que de dominer les autres et de les torturer. Ils ne tolèrent absolument pas d'être remis à leur place, c'est quelque chose qui les insupporte, ils deviennent fous. Et donc en fait, qu'on leur explique qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent n'importe où, ils se sentent humiliés déjà. Les photos sont prises, et sur ces entrefaites interviennent donc le collectif contre l'islamophobie en France, dirigé par un certain Marwan Mohamed, et la Ligue des droits de l'homme. Donc attelage intéressant, puisqu'on a les islamistes, les frères musulmans, puisque donc, c'est ça, hein, le CCIF d'un côté, et l'extrême gauche, la LDH de l'autre, les laïcars, qui font cause commune pour défendre pour défendre de facto la ségrégation des sexes imposée par l'islam politique, enfin l'islamisme, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez à dire, je vais donner des détails, hein, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur cette alliance qui a l'air d'être l'alliance de la carpe et du lapin, donc entre cette extrême gauche laïcarde et cet islamisme de plus en plus radical, quoi. On pourrait dire pas mal de choses, on pourrait dire aussi, alors si les informations que j'ai lues sont justes, que le mondialisme et certaines forces mondialistes sont également à l'œuvre, comme George Soros. Donc, les laïcars, l'extrême gauche, les mondialistes, ces gens-là, plus ou moins consciemment, peuvent travailler ensemble. Un peu comme on disait sur l'antiracisme, il y a des tendances différentes, mais ce qui converge, le point commun, c'est la haine du blanc, en particulier du mâle blanc. Et effectivement, on voit des collectifs comme ça qui vont essayer d'avancer leur pion, brouiller le débat et faire qu'on déplace les véritables questions, comme l'a dit tout à l'heure Poporo par exemple, ou comme l'a dit Jean-François Touzé dans un tweet, il a dit le problème c'est pas les burkinis, le problème c'est ce qu'il y a en dessous. Oui, alors pour Soros, il faut préciser que, tu fais bien de le mentionner, donc George Soros est un milliardaire américano-hongrois d'origine juive, qui finance un certain nombre de programmes de la CIA, qui est proche aussi d'Hillary Clinton. Et on sait, grâce à des documents récemment publiés, qu'entre 2013 et 2014, il a directement financé à la fois la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France, qui est une émanation de l'OIF, de l'Union des organisations islamiques de France, qui est la vitrine des frères musulmans dans l'Hexagone. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les frères musulmans, c'est une nébuleuse internationale islamiste fondée par Hassan al-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, que la plupart d'entre vous et de nos auditeurs connaissent, et qui a raté un certain nombre de coups d'État, notamment en Égypte en 2011, mais qui a réussi par exemple en Turquie avec Erdogan et l'AKP, dont on peut voir d'ailleurs la radicalisation progressive, et qui agit au plan global, hein. C'est une très puissante organisation. Alors, pour résumer, parce qu'on va pas non plus faire une thématique sur les frères musulmans, mais leur devise me semble très parlante, et je vais vous la donner. Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voix, le martyr notre plus grande espérance. Donc, devise des frères musulmans, dont le théologien en chef est l'Égyptien Youssef Karadewi, réfugié au Qatar. Qatar qui est le grand ami du gouvernement français, républicain, n'est-ce pas, aux côtés de l'Arabie Saoudite, et qui quelqu'un qui a, entre autres joyeusetés, légitimé les attentats suicides. Hein. Il appelle ça des opérations martyrs, comme il dit. Donc, bon, les frères musulmans, des gens extrêmement modérés, comme vous le voyez, et on a des gens qui viennent des frères musulmans, comme... je crois le chef dont j'ai oublié le nom d'Al-Qaïda aujourd'hui, hein, qui est lui aussi égyptien et qui a transité par les frères musulmans comme beaucoup d'éléments radicaux d'Al-Qaïda. Donc c'est quand même un peu l'école du crime, quoi. Et donc le CCIF est dirigé par Marwan Muhammad. Vous pouvez le voir, il intervient sur iTélé, etc., où visiblement il a son rond de serviette, hein, ou sur BFM TV aussi. Et c'est un proche de Tariq Ramadan. Alors ce petit monsieur-là, donc, qui est donc le grand défenseur du Burkini, notamment en plan judiciaire, a déclaré à la mosquée d'Orly en 2011 ce qui suit: qui a le droit de dire que la France, dans 30 ou 40 ans, ne sera pas un pays musulman? Personne n'a le droit de nous nier cet espoir-là. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours à la télévision, il disait... les fascistes veulent faire la loi dans leur pays, il est hors de question qu'on laisse passer ça. Donc les fascistes veulent faire la loi, les fascistes et les racistes veulent faire la loi dans leur pays. J'ai trouvé l'utilisation du terme leur pays assez intéressante, c'est un lapsus, quoi. Et donc ce sont ces gens-là, donc financés par Soros, qui ont déclenché la guérilla judiciaire avec les conséquences que vous avez pu voir. Alors quelqu'un peut-il me parler du Conseil d'État et des magistrats éventuellement qui ont pris ces décisions? Moi, je voudrais juste revenir sur la position de la Ligue des droits de l'homme, qui est en fait l'équivalent du MARAP version d'obédience juive, quoi. En gros, c'est à peu près ça, puisque la plupart des membres, ou la totalité, je crois, des membres du bureau national de la Ligue des droits de l'homme sont de confession juive. Et donc, je pense que eux, leur réaction, qui aurait pu être en fait, parce qu'il y a quand même une certaine crispation, on va dire, de la communauté juive vis-à-vis de l'islamisation de la France, après l'avoir encouragé l'invasion migratoire de la France et de l'Europe aujourd'hui, tels des apprentis sorciers qui se sentent un petit peu dépassés par leurs créatures affreuses qu'ils ont créées, aujourd'hui, ils seraient tentés justement d'essayer au moins de dompter cette créature. Là, la Ligue des droits de l'homme, en fait, est toujours plus inquiète de la radicalisation de la société de souche, des Français de souche, en fait, de leur radicalisation, que de l'invasion islamique. Donc, ils ont fait leur choix dans le sens où, bon, en plus, c'est vraiment, là, c'est le gauchisme dégénéré, là au sein de la Ligue des droits de l'homme, attention, c'est fumant. Mais bon, voilà, ils sont encore dans cette optique au nom de la liberté, de promouvoir l'invasion, surtout contre en fait une résurgence identitaire qui les effraie en fait depuis des décennies. Et voilà, ils sont toujours dans pour eux un arrêté anti-Burkini et un retour aux heures les plus sombres de notre histoire. Donc ils sont toujours, eux, la Ligue des droits de l'homme, dans ce logiciel de pensée là. Ce qui n'est plus vraiment en fait l'orientation, la direction d'autres organismes censés représenter les juifs de France, d'Europe et du monde, qui voient en l'islam et dans l'antisémitisme décomplexé de l'islam conquérant un danger, même si, voilà, ici ou là, quand ça les arrange, il est tout à fait possible de négocier avec ces gens qui sont eux aussi des sémites. Alors, il faut préciser que dans le cas de la Ligue des droits de l'homme, c'est vrai qu'il y a pas mal de juifs de gauche à sa tête, pas que d'ailleurs, mais c'est une organisation qui brille par un pro-palestinisme radical. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent fait et cause pour les militants les plus durs du nationalisme palestinien, terroristes inclus. Hein. Donc, oui, c'est des juifs d'extrême gauche, quoi, en gros. Voilà, quoi. C'est ça. Ou aussi en Israël, à certains endroits. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, mais c'est ça qui est frappant. Donc, effectivement, donc l'alliance curieuse, enfin bon, peut-être sur les recommandations de George Soros, qui lui aussi, on l'a appris, finançait des organisations antisionistes. Très marrant quand même, hein, George Soros finançant donc la gauche israélienne, enfin un certain nombre de choses. Ça serait curieux. Pour en parler l'occasion. Alors donc voilà, donc alliance dont on a parlé. Et alors maintenant, on peut dire que cette thématique de la Burkini a déclenché, c'est mon sentiment, hein, une véritable guerre civile au sein de la gauche française et au sein du Parti socialiste. Il y a vraiment une crise, on peut dire, sur les valeurs, une crise existentielle, une crise identitaire de la gauche française aujourd'hui, que cette affaire au départ anodine du Burkini traduit. Est-ce que en préambule quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus, parce que moi j'ai des éléments, hein. On a par exemple la réaction de Manuel Valls, je vais vous la citer. Voici ce qu'il dit à ce propos-là. Lui, il a pris fermement position contre le Burkini. Il s'est retrouvé très vite assez isolé d'ailleurs contre ça. Il a dit: un foulard est un foulard, un Burkini est un Burkini, une burqa est une burqa. C'est pour moi un symbole d'asservissement de la femme, comme si la femme dans l'espace public était impudique. Donc il a déclaré ça, et il a refusé de changer de ton. Quelqu'un veut-il me parler de cet affrontement au sein de la gauche, hein, entre, on va dire, d'un côté, bah, finalement, l'aile, j'allais dire, traditionnellement libertaire, progressiste, d'un côté, et puis de l'autre, bah, des gens qui sont les tenants purs et durs de l'antiracisme et de l'égalitarisme radical, quoi. Bah, ça devait arriver, je veux dire, quand ton projet, c'est d'une part, d'un côté la Gay Pride, de l'autre, les musulmans fraîchement émoulus du tiers-monde, il y a un moment, il y a un bug, quoi. Donc forcément, ça leur pendait au nez. Hein. Ouais, non, pas douter. Ouais. Alexis, ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais, non, je veux dire que c'est pas la première crise que traverse la gauche. Ils sont favorables au mariage pour tous, et en même temps, les populations qu'ils font venir du tiers-monde, comme l'a dit Poporo, sont des populations qui sont en général hostiles à ça. Il y a eu aussi l'affaire Leonarda, où François Hollande avait tendu la main à Leonarda, mais pas à sa famille, ce qui avait ému Harlem Désir, qui publiquement s'en était inquiété, etc. Bon, c'est pas la première fois que ça se passe, mais je dirais que c'est une épine dans le pied de la gauche, mais c'est une épine dans le pied aussi de la droite, dite modérée, ou de l'UMPS, ou tout ce qu'on voudra. Cambadélis a écrit, bon, il est en partie dans le déni de réalité évidemment, et Cambadélis, il a dit dans un tweet que Alain Juppé rejoignait Valls dans son opposition au Burkini, mais sans la loi, sans le fait de légiférer, sans vouloir légiférer. Alors que, dit-il, Cambadélis, Sarkozy et Marine Le Pen sont favorables au fait de légiférer contre le Burkini. Il en conclut, la droite explose. En fait, c'est pas vraiment la droite qui explose, c'est plutôt la gauche qui explose, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit des gens qui veulent toujours apparaître comme des gens bien pensants, etc. Et en même temps, oui, ils sont pris entre deux feux, tout à fait d'accord. Je crois que c'est une dissension de façade, c'est-à-dire que chacun reprend son rôle au sein de la gauche. C'est-à-dire que Valls avait, avant qu'il soit au gouvernement, un rôle en fait de type de gauche, mais voilà, une gauche républicaine, on va dire, je vais pas dire des valeurs, mais voilà, qui limite, voilà, se laissait pas déborder par l'immigration l'immigration invasion, qui savait serrer la vis quand il le fallait. Donc là, il reprend son rôle, parce que faut savoir que tous ces gens de gauche savent très bien qui vont être balayés, que le Hollande va être absolument balayé, et donc ils n'auront plus de poste ministériel. Et donc chacun se réfugie, on va dire, dans un rôle, afin de préserver son électorat de base, et afin de se préserver aussi dans un courant au sein du Parti Socialiste. Il faut savoir que dans ces grands partis-là, il est essentiel d'être dans un courant. Donc il y a ceux qui se mettent dans le courant, on va dire, pro-immigré, parce qu'il faut savoir qu'ils comptent énormément sur le vote immigré. D'ailleurs, ça a bien marché aux dernières élections présidentielles. Et d'autres qui restent aussi dans l'optique de se dire qu'il y a quand même beaucoup de blancs qui votent aussi PS et qui attendent ce genre de réaction pour pas qu'ils aillent voter ailleurs. Donc je pense qu'ils sont plus que dans une rupture idéologique, ils sont un peu en train de se partager les parts marketing du vote de gauche sur une polémique comme le Burkini. Je pense pas qu'il y ait de rupture idéologique entre ces gens-là. Ils sont là pour en bouffer, qui préparent en fait l'après-présidentiel et le retour dans l'opposition, et de nouveau être à la tête d'un courant, de rassembler son courant au sein du Parti Socialiste pour être incontournable pour les prochaines échéances à venir, pour la prochaine alternance à venir. Il faut bien savoir que ces gens-là raisonnent comme ça. Ces gens-là ne raisonnent pas sur des bases d'idées, ils raisonnent sur des bases de réussite personnelle, de défense de ses propres intérêts, qui se fait par l'intermédiaire de courants, comme ça se fait au Parti Socialiste, comme ça se fait au sein des Républicains, et comme ça se fait dans différents partis politiques du système. Ouais, c'est certain. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est effectivement cette tambouille électoraliste et politicarde. Ceci étant dit, je crois qu'il faut, du fait même de cette tambouille, il y a des vrais affrontements, des vraies luttes d'influence. Et que, en fait, à leur corps défendant, ce genre de thématique peut vraiment servir, en fait, de catalyseur pour, définir les forces en présence et qui va dominer qui. Et je crois que c'est pour ça que c'est pas totalement anodin. On a la réaction d'Anne Hidalgo, là, qui... Alors ça, c'était intéressant, sa réaction, donc la maire de Paris, parce qu'elle était aux côtés du maire de Londres, donc le Pakistanais musulman Sadiq Khan, qui est un des avocats de membres d'Al-Qaïda, dont d'ailleurs le mentor des frères Kouachi, de l'attentat de Charlie Hebdo, ce qui est quand même vaut le coup d'être relevé. Elle a dénoncé l'hystérisation du débat sur la Burkini, en fait, en appelant littéralement à arrêter d'en parler, parce qu'on voit bien qu'ils sont gênés aux entournures, et eux, ils prennent fait et cause vraiment pour cette islamisation culturelle progressive. Donc ça, c'était la maire de Paris. Et puis Najat Vallaud-Belkacem, donc là, c'est le gouvernement, donc qui est censé quand même être sous l'autorité de Manuel Valls, qui dit exactement l'inverse. Voici ce qu'elle déclare. Je pense que ça pose la question des libertés individuelles, donc la décision, les arrêtés municipaux, et ça libère la parole raciste. Donc ça, c'est très intéressant, parce que elle, en fait, tout de suite, et ça, c'est là qu'on voit ces gens ne changent jamais, c'est l'opportunisme. C'est-à-dire qu'au-delà des débats philosophiques dont, en fait, elle n'a strictement rien à foutre, ça libère la parole raciste. Donc c'est-à-dire que peut-être, au bout, il y a le bateau. Donc moi, ça m'intéresse pas. Oui. Ça, c'est intéressant de voir comment ils réfléchissent, l'opportunisme. Alors, on a eu aussi des manifestations, d'islamo-gauchisme patente, hein. Manifestation du NPA en faveur du Burkini à Port-le-Cat. Donc là, c'est carrément l'extrême-gauche trotskiste qui descend dans la rue pour que les femmes portent le Burkini. C'est quand même des formations politiques qui nous rappelaient, il y a quelques décennies, que la religion était l'opium du peuple et qu'il fallait très rapidement pendre le pape avec ses tripes, hein. Je le rappelle pour nos auditeurs. Oui, c'est fabuleux. Oui, c'est quand même extraordinaire. Alors, moi je crois, bon, c'est juste une interprétation, mais je crois qu'il y a quand même un virage historique là, qui est en train de se passer au sein de la gauche, avec cette question de l'immigration musulmane, de la démographie musulmane, enfin immigrée en général, mais musulmane, et qu'il faut des parts de marché. Alors Valls, il parle à l'électorat petit prof laïcard qu'on connaît, de traditionnel du Parti Socialiste, donc là, il est assez conservateur dans son approche. Il y en a d'autres un peu plus audacieux. Mais il y a quand même un certain nombre de points qui sont vraiment nouveaux. D'abord, c'est que la gauche qui jadis appelait au peuple, qui se voulait l'avocate du peuple, maintenant dénonce le populisme. Ça, c'est très intéressant comme virage. En disant, voilà, de telles interdictions, c'est pour répondre aux aspirations inavouables des masses populaires, etc. Deuxième point, on est passé de la laïcité anticatholique, qui était à la base de l'histoire de la gauche en France, hein, à maintenant un néocléricalisme musulman. Et maintenant, le droit au nom du droit à la différence, revendiquer son islamité, mettre en place des modes ségrégationnistes entre les sexes, ça devient une valeur défendue par la gauche. Et puis, le féminisme, qui a été aussi un élément important de la gauche et de l'extrême gauche, où on allait libérer la femme du patriarcat catholique, lui permettre d'être maîtresse de son corps, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il faut permettre à la femme d'être soumise au patriarcat musulman, ça devient une des nouvelles valeurs de cette gauche-là. Et Onfray en a parlé de ça. On peut parler d'Onfray si quelqu'un a quelque chose à dire sur Onfray ou cet affrontement interne à la gauche là. Ouais, bah sur cet ce que tu as dit sur l'extrême gauche et sur Besançon, c'est intéressant. Je crois que dans leur communiqué de presse, ils ont dit que ils voulaient le NPA souhaitait s'opposer aux gens qui veulent dévoiler les femmes. Alors sachant quand on connaît tous les courants nudistes, quand on connaît les aspirations de Cohn-Bendit à se dévoiler, à dévoiler certaines parties de son corps, surtout vis-à-vis de jeunes filles. C'est assez drôle et par ailleurs, je veux dire, c'est absolument pas pudique le fait de mettre des vêtements, ce type de vêtements qui fait complètement tache dans le paysage pour se baigner, c'est totalement ridicule et impudique. D'ailleurs, on pourrait faire le lien avec l'Allemagne et l'Allemagne qui affiche désormais dans les piscines publiques l'invitation à ne pas chier, à ne pas pisser, à ne pas se masturber dans le. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, nos chers migrants l'ont fait. Dans la piscine, alors que pour autant ils portent des vêtements et ils sont pas nus, à l'inverse d'un certain nombre de gens du nord de l'Europe ou d'Allemagne qui peuvent se baigner nus sans aucun souci. Donc là il y a vraiment un souci, mais après si quelqu'un veut parler d'autre oui, chose... Oui, alors moi je vais rebondir là-dessus, sur cette histoire de pudeur, parce qu'on nous fait tout un baratin là-dessus en nous disant en gros, parce que c'est ça ce qui est sous-jacent avec cette extrême gauche, la Ligue des droits de l'homme, Hidalgo, etc. Tous ces gens-là qui sont pas attends, la maire de Paris, c'est pas rien. Qui prennent la parole là-dessus, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent les islamistes ont droit de trouver que l'Occident est moralement décati, au bout du rouleau, etc. Validant par contre-coup les thèses islamiques, comme quoi effectivement ils ont raison d'être revendicatifs et de se prévaloir ou de penser pouvoir se prévaloir d'une supériorité morale, avec tous les avantages politiques futurs que ça suppose. Or, quand on s'intéresse à la notion de pudeur, et tu le soulignes très bien, c'est un critère extrêmement relatif. Il faut rentrer dans le détail de cette affaire-là. Parce que quand on est une mouquère algérienne, quand on connaît le climat, quand on a ces petits coreligionnaires, ces petits congénères qui ont commis depuis un an et demi des attentats en série sur tout le territoire français et ailleurs d'ailleurs, qu'il y a environ 230 morts, plus de 600 blessés suite à ça, est-ce que c'est franchement bienvenu d'aller fourrer son nez sur une plage de façon isolée en sachant pertinemment qu'on va déclencher des réactions et venir ensuite dire oui mais moi je suis pudique? Ces gens sont l'obscénité même. C'est ça l'obscénité, c'est de savoir se tenir à sa place, de n'en avoir que faire de l'avis et du ressenti des autres. C'est que vous venez vous imposer et vous venez imposer vos mœurs, et parfois des mœurs incompatibles. Donc la notion de pudeur est très intéressante, parce que la pudeur n'est pas là où on croit, en réalité. Et je crois que cette affaire-là le révèle aussi. Et donc t'as bien fait de relever ça. Et puis, comme on est un petit peu dans les rapports sociaux, et dans tout ce qui concerne un petit peu la morale, on voit bien que, surtout sur la notion de féminisme, de libération du corps et du rapport au corps, là, moi, je vois qu'on a un gros problème, quoi, parce que on est paradoxalement, on est dans quelque chose qui consiste à se cacher pour montrer, c'est-à-dire que je cache mon corps pour être dans le spectaculaire, donc je me balade là, et c'est avec ce espèce de truc qui recouvre vraiment mon corps et là, pour emmerder les gens, parce que c'est ça en fait. Et moi, ça me frappe, et bon, bah, de voir la gauche, effectivement. En faire son nouveau combat d'avant-garde, je trouve ça assez parlant quand même. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Non, un petit mot pour continuer là-dessus. Je voulais faire le lien avec les baignades dont j'en ai parlé tout à l'heure avec les migrants qui chiaient dans les piscines, tout ça. Et il y a aussi le lien, c'est avec les. Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait un voyage en Europe centrale. Je suis passé notamment en Autriche, ça m'a frappé. Je suis allé dans le parc de Schönbrunn et de la princesse Sissi. Et le niqab ou tout ce qu'on voudra, la burqa, ça devient monnaie courante, hein, ça fait partie désormais du paysage. Et donc, on s'habitue à ça, ça avance lentement, et c'est totalement, je suis d'accord avec toi, totalement impudique, puisque ça, être pudique, c'est normal, c'est se fondre dans le paysage, c'est être discret, c'est ne pas se faire remarquer. Et là, il y a une volonté d'imposition, de réclamation, de revendication, peu de temps après des attentats. C'est totalement dégueulasse. Et je terminerai sur une remarque, c'est que quand les médias, les journalopes présentent deux choses en ce moment, le séisme en Italie qui a fait des centaines de morts, malheureusement, et le débat sur le burkini, avec les commentaires du commentaire d'Hidalgo, de Cambadélis, tout ça, c'est là encore, c'est tout à fait obscène. Moi, je voudrais dire un petit mot aussi concernant les réactions qu'on a pu voir ici ou là de gens dits du milieu ou de la mouvance qui prennent le haut, comme ils disent, tous ces droitards qui réagissent au quart de tour, qui tombent dans le panneau de l'affaire du Burkini, voilà, qui se font avoir, qui ne voient pas qu'ils se font manipuler ou ce genre de choses, parce que le problème, c'est la lutte sociale, le problème, c'est le chômage, le problème, voilà. Et donc, c'est assez amusant de voir ça parce que. Même voilà le burkini, déjà c'est un truc que tout le monde peut comprendre, que chaque Français peut comprendre. C'est voilà encore une des pustules purulentes de l'immigration-invasion, particulièrement visuelle, et que chaque Français peut comprendre. C'est pas compliqué à comprendre, c'est-à-dire que des Maghrébins et des Africains arrogants désirent imposer une pollution, une énième pollution visuelle issue du Coran, issue de leur religion, sur nos plages. Et le simple fait d'être contre ça, on peut être aussi contre ça et contre beaucoup de choses, rien que ça, c'est un réflexe identitaire sain qu'il faut saluer, plutôt que de dire ouais, mais vous faites avoir. Enfin, voilà, bref, c'est toujours cette espèce de même réaction hautaine sur un ton docte et savant, souvent du petit militant réconciliateur et égalitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, la polémique du Burkini, effectivement, elle est dérisoire, mais c'est une réaction saine d'être contre cet accoutrement qui était étranger, qui est religieux, qui est culturellement à des années-lumière de ce qu'est notre culture européenne et chrétienne, et donc il faut combattre, et il faut pas hésiter à utiliser n'importe quel moyen pour dire qu'on en a marre des immigrés, qu'on en a marre qu'ils nous imposent leurs mœurs, leurs coutumes, leurs rituels de tarés. Donc voilà, je pense qu'il n'y a absolument pas péjoratif, qu'il soit de manière négative de s'en prendre au Burkini. Il faut s'en prendre à tout ce qui a un rapport avec l'immigration-invasion, avec la colonisation migratoire. Si on arrive à éveiller les consciences de nos compatriotes grâce au Burkini, moi je dis tant mieux. À mon avis, on arrivera plus à les éveiller grâce à ça qu'avec des bouquins de Soral vendus sur Contre-Culture. Donc c'était juste le petit mot à tous ces gens hautains qui regardent voilà, d'un œil mauvais. Et condescendant, tous ceux qui s'invitent en fait dans la polémique autour de cet accoutrement. Tu oublies quand même que le burkini, c'est la volonté de mettre les yeux en avant à côté de la brutalité qui consiste à mettre les fesses en avant par le port du string. Enfin, t'as rien compris, quoi. Enfin, Oui, voilà, ça. c'est vrai que en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on tolère le string, on est en fait un judéo-pornocrate. Et forcément, on fait partie voilà, du même système, on défend en fait le sionisme. En gros, voilà, c'est ça. C'est la démonstration de ces gens-là, c'est-à-dire que voilà, on défend une culture sioniste face à une culture traditionnelle qui, au fond. Alors, ça, on a aussi ça chez certains catholiques qui reprochent aussi toujours aux droitards. Leur disant, bah oui, mais attendez, vous critiquez le burkini, mais vous ne critiquez pas le string sur la plage ou les seins nus sur la plage. Voilà, donc en fait, on est attaqué parce qu'on n'est pas assez taliban, ça doit être ça. Alors, Ouais. Argyle, tu parlais de pustules. Je voulais rebondir en citant en parlant de la grande idée de Florian Philippot, qui veut interdire les kippas, les voiles et les grandes croix en public. Donc je trouve ça quand même très très bien, moi, de vouloir interdire les grandes croix. On voit Et les bien. grands gosses ceinture dans son cul, veulent-ils les interdire? Moi, c'est une question que j'aimerais que Gilbert Bourdin lui pose sur RMC, ce serait sympa. En public, les grandes gouttes de ceinture dans le cul, je sais pas s'il l'a encore fait, mais Et on donc, il va verra. interdire les calvaires, les cathédrales. Qu'est-ce qu'il va Ah ben, faire? je sais pas, mais bon, on voit quand même que ces gens-là qui sont censés être des nationalistes, bon, voilà, la primauté de notre héritage chrétien, ça a pas l'air de les intéresser Philippot, beaucoup. il est pas nationaliste, pour c'est quelqu'un qui se revendique je veux dire, de la République radicale socialiste. Enfin, il n'y a rien Ouais, de. non, mais bien sûr, mais bon, en théorie, il est au front national. Bon, on sait très bien, c'est un énarque, un homosexuel, il n'y a rien à attendre de ce gars-là. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment envie de lui mettre une claque, quoi. Ouais. Non, Bon, mais parler de la en tout kippa. cas, je voulais il y avait un point qui m'intéresse, c'est que par rapport à ce que dit Argyle sur toute cette rhétorique là, parce que on entend ça, y a un certain nombre de types qui regardent cette résurgence ou cette prétention morale ou rigoriste islamique comme un rempart ou un front contre la marchandisation, le capitalisme déshumanisant, etc. On entend ça aussi dans certaines mouvances qui ne sont pas nécessairement de gauche. Et je tiens quand même à relever que Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, a salué la décision du Conseil d'État de permettre aux femmes de porter le burkini. Donc quand on a l'ancienne présidente du MEDEF qui est connectée à toute l'oligarchie française, européenne et au-delà, prendre Et position. lesbienne, juste pour Ah, préciser. lesbienne aussi, d'accord, je ne savais pas. Prendre Compagne position d'Arlette pour. Sabot. Ah, d'accord. Prendre Oh. position pour la version frère musulman de l'islam, je n'ai pas tendance à croire que cette religion soit si un rempart que ça. J'ai l'impression qu'ils sont tous d'accord, que ce soit Soros, que ce soit les frères musulmans, que ce soit les sociétés, ils sont tous d'accord au moins sur une chose, le christianisme, le combattre, oui, la culture européenne de l'homme blanc, oui, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai l'impression que c'est surtout ça le truc. Alors quand on entend effectivement des gens, et comme tu l'as bien dit, Argaël, une espèce de singerie de taliban version pseudo-catholique, vouloir fricoter avec la racaille islamiste, dans une espèce de front de la foi, il y a cette fumisterie aussi intégrale, et d'ailleurs complètement hérétique au passage, du front de la foi contre les McDonald's, hein, si j'ai bien compris. Je crois qu'on est vraiment au niveau zéro de la pensée politique là. On est Ouais, d'accord. il y a aussi une Tu vises question qui se quelqu'un en pose. particulier? Bah, ça serait trop simple de viser quelqu'un en particulier. C'est malheureusement quelque chose qui est très répandu, à gauche, pas sous ces pas, sous, pas, pas, pas en ces termes, c'est-à-dire qu'à gauche c'est plus de l'opportunisme, c'est plus de l'antiracisme, c'est plus du misérabilisme, du tiers-mondisme. C'est par là qu'on arrive à fricoter avec l'islamisme. C'est plutôt dans une certaine extrême droite à la recherche d'une espèce d'idée autoritaire. En fait, c'est ça, c'est une idée autoritaire. On dit, tiens, bah voilà, l'islam, c'est le truc autoritaire qui peut nous aider, etc. Et ça donne d'ailleurs ce qu'on a vu avec la Manif pour tous. C'est le frère musulman, comment il s'appelle celui-là? Kamel Béchir, prendre la parole à la tribune avec les imbéciles heureux dépourvus de toute culture politique de la petite mouvance catholique qui avait dirigé ce mouvement. Et enfin, c'était cas typique d'entrisme, voilà. Enfin, et ces gens-là n'ont rien appris et c'est complètement effarant de le voir une nouvelle fois manifester, certes aux marges, mais manifester quand même. Non, mais Je voudrais il juste faut. revenir sur Florian Philippot, ses déclarations, sans sortir une grosse vanne sur ses mœurs sexuelles, pour une fois. Mais je voudrais, en fait, sa position est celle d'un type qui veut remplacer la gauche telle qu'elle l'était il y a encore quelques années. C'est-à-dire que voilà, lui, c'est une obsession. D'ailleurs, cette obsession qu'il a transmise à Marine Le Pen, c'est de d'être voilà, de chercher les électeurs de gauche. Et donc là, par sa prise de position totalement laïcarde, l'objectif, quand il parle d'interdire les grandes croix, on ne sait pas trop de quoi il veut parler, c'est de séduire un électorat de gauche qui se sent trahi par la collaboration avec l'islamisation qu'ont certains élus de gauche. Donc je pense que c'est dans cette optique-là qu'il a déclaré ça, de telle façon à essayer de récupérer cette gauche française un peu perdue, enfin ces électeurs de gauche français un peu perdus au sein par leurs élus, par leur chef politique qui voit plutôt un intérêt à flatter les revendications islamistes dans le sens où c'est une grosse partie de leur électorat. Donc je pense que Philippot a déclaré ça dans cette optique. Voilà, Philippot, comme je disais tout à l'heure, raisonne comme les politiciens du système. C'est pas d'abord, alors évidemment c'est pas un catholique ni quoi que ce soit, mais voilà, lui raisonne dans une optique marketing comme un politicien du système. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte quand ces gens là parlent. C'est faut bien voir qu'il y a effectivement une idéologie. En fait, ils sont contre une idéologie, c'est-à-dire la nôtre, le nationalisme, le retour à une souveraineté identitaire, tout ça, ils sont contre, ça c'est certain, mais tout le reste, ils arrivent largement à nager dans cette sorte de magma, de boulimia idéologique, tant qu'ils restent affiliés au système. Donc je pense que la position de Philippot, voilà, elle est claire, c'est voilà, la gauche laïcard, c'est nous maintenant. Oui, c'est ce qui a l'air d'en ressortir. D'ailleurs, à l'occasion des attentats, Marine Le Pen a affecté, d'ailleurs, comme Florian Philippot, affecté de rappeler son soutien indéfectible à ses compatriotes musulmans qui étaient les victimes de l'islamisme. Donc en fait, elle reprend la phraséologie des islamistes, des islamistes, des frères musulmans. Les frères musulmans disent la même chose. Ils disent on est pris en otage par l'État islamique. Donc en fait, c'est un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire que tout le monde est pris en otage par quelqu'un d'autre, et au final, c'est la faute à personne, quoi. Donc c'est niveau zéro de la pensée politique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, je ne sais pas, dans les médias. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce débat avant qu'on conclue, qu'on se quitte? Ouais, bah personnellement je trouve que des femmes en burkini à Nice le long de la promenade des Anglais en train de se baigner, ça serait du plus bel effet. Un bel hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet, en effet. Oui, parce que c'est cette histoire, finalement, ça traduit, c'est l'obscénité de ces gens-là, hein. C'est-à-dire que c'est des gens, on est quand même dans une séquence absolument incroyable. Je veux dire, sans aller sur une année et demie écoulée, sans pas, je veux dire, attentat d'Orlando, et même en se limitant à la France, la boucherie de Nice, les différentes polémiques dont on a parlé, les violences de Cisco, etc. On pourrait dire, bon, les types vont faire un peu profil bas, juste au même dans leur propre intérêt. Pas du tout. Et on a une gauche et des musulmans qui, sur des centaines de cadavres et de blessés, disent en gros je suis la victime. Donc maintenant on est dans cette inversion complètement délirante que nous présente la classe médiatique, politico-médiatique, mais les intellectuels de gauche, la presse de gauche qui est très dominante, et puis bien évidemment les musulmans qui nous expliquent sereinement que les musulmans sont persécutés en France par les Français de souche, alors que quand on regarde le bilan, bah il y a des centaines de morts du côté des Français de souche. Il n'y a pas un musulman qui s'est fait tirer un poil de barbe par un nationaliste ou que sais-je dans la même phase. Et pourtant, on nous présente exactement l'inverse. Je trouve ça extraordinaire. C'est mirobolant et personne ne bronche. De poids peut-être au Front National encore un petit peu. Je ne suis même pas sûr. Moi, je trouve ça sidérant, il n'y a pas d'autre terme, sidérant. J'aurais pas dit mieux, excellente analyse. Il y a aussi un dernier point, ouais. Peut-être, c'est la question de la loi, c'est la dictature de la loi. C'est-à-dire, on a un maire qui, normalement, qui a envie d'arrêter quelque chose sur son territoire, quelque chose qui est tout à fait de bon sens. Le Conseil d'État, formé de gens qui savent sans doute mieux que les autres, et qui a en tout cas judiciairement plus de poids que les autres, décide d'annuler tout ça. Donc c'est une dictature de... D'ailleurs, normalement, dans un État normalement constitué, il n'y aurait pas besoin de faire de loi là-dessus, parce que déjà, il n'y aurait pas de burkini, il n'y aurait pas d'halogène, pas dans cette proportion du moins. Donc là, on est face à une dictature de la loi. Il va falloir de toute façon sortir probablement du cadre légal pour créer, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, du trouble à l'ordre public, ou en tout cas, pratiquer ce qu'on appelle la désobéissance civile. Très bien observé. Bon, eh bien, je vous dis la semaine prochaine, et on aura encore, je suis sûr... beaucoup de choses à se dire. À la semaine prochaine. Nous avons eu une divergence, c'est une évidence. Danse. Nous avons eu une divergence, c'est une évidence. Danse. C'est un papier maintenant. Il y a plus de 25 ans. Appelle-t-il à Jeanne d'Arc? Carole, Carole, au secours!